Salut les copains! Tapez les mains, oui! On va faire le twist! C'est le nouveau rock! Rien n'y résiste! N'hésitons pas, faites comme moi! Tu vis bien même pas! Rythme le twist, oui! Donne-moi la main là! Et tu t'y prends bien! Continue comme ça! Un tour autour de moi! Balance encore tes bras! Et bien sûr mon cœur! Et rythme le twist! Yeah! Un tour de bien, oui, tourne bien encore! Mais en dansant, n'oublie pas que je suis là! Tout en rythmant le twist! Yeah! Entre tes bras! Ouais, mon cœur va pour toi. Et toi, twist, baby. Rythme le twist. Ouais, donne-moi la main là. Yeah, tu t'y prends bien. Continue comme ça. À tout autour de moi. Balance encore tes bras et bien sûr mon cœur et rythme le twist et à tour de bras, oui, tourne bien encore. Oui, en dansant, n'oublie pas que je suis là tout en rythmant le twist et c'est ça le twist. Bras apprêtés.